بسم الله الرحمن الرحيم. ففي درسنا الماضي أخذنا on a appris que le manhaj des gens de la sunna est ma'soum, infaillible face à l'erreur. Le manhaj en lui-même et non pas les individus. Donc cela également qui appelle à faire à prendre garde par amour pour cette da'wa et sa préservation de ne pas laisser n'importe qui s'exprimer en son nom. Nous avons des frères pris de fougue, qui aiment sûrement cette da'wa, au fond d'eux réellement, mais qui malheureusement, qui sont pris d'ignorance, et veulent parler dans les choses qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas appris comme il se doit. Et ils veulent parler. Et ces gens-là, au final, font plus de mal que de bien, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Donc attention à cela, et que ceux qui tiennent à apprendre, et d'ailleurs il faut qu'ils apprennent les bases de leur religion comme il se doit, qu'ils l'apprennent de gens fiables, qui ont eux-mêmes étudié auprès de gens fiables. Et s'ils ne peuvent, ils peuvent le faire directement des savants, pour ceux qui ont l'arabe, cela est la meilleure des choses à faire. De prendre directement la science depuis sa source. Qu'il écoute le kitab sunna, à la fin de salaf salih, mais cependant, expliqué par les ulama mutamakkinin, rabbaniyin. Et non pas de tout premier venu qui aurait de belles paroles, ou qui ferait preuve d'une certaine fougue, aurait de l'alika. Attention aux gens qui ne sont pas aptes à tenir ce rôle, car ils peuvent faire beaucoup de problèmes. ثم قال حفظه الله تعالى دعوة أهل السنة ليست مادية. Que la da'wa des gens de la sunna n'est pas une da'wa matérialiste qui attend de recevoir des biens en échange et qui se base sur les biens mondains et réels ذلك. قال دعوتهم ليست مادية يدعون الناس لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا كما قال تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. Donc il dit que leur da'wa, leur appel, leur prêche n'est pas matérialiste. Ils appellent les gens à adorer Allah Azza wa Jal sans pour autant attendre d'eux quelconque récompense ou remerciement. Comme encore l'État dans le sens où il dit, je ne vous demande aucun salaire pour ce que je dis, et cela est juste pour celui qui voudrait trouver la voie, le sentier vers son Seigneur. ثم قال يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. Le verset précédent c'est El Furqan verset 57. Et là dans le sens Allah dit, je ne demande aucun salaire, aucune récompense, hormis les liens de parenté qu'il y aura entre nous. Ash-Shura, consultation, verset 23. قَالَ فَدَعْوَةُ الْأَنْبِيَا لَيْسَتْ مَدِّيَّةِ فَهَذَا نُوحٌ عَلِي السَّلَامِ يَقُلْ لِكَوْمِهِ وَيَقُومِي لَأَسْأَلُكُمْ عَلِي مَالَ إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Donc cette da'wa, la da'wa des anbiya, n'est pas une da'wa matérialiste. Ils n'ont jamais demandé à recevoir quelque bien en échange de ce qu'ils faisaient. Nuh, alayhi salam, il disait, dans le sens, mon peuple, je ne vous demande aucun bien. Et ma récompense n'est comme qu'à Allah Azza wa Jal. Surat Hud, verset 29. وَيَقُولُ رَبُّنَا حَكِينًا كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et que Allah dans le Coran, il dit à propos de beaucoup d'anbiya, qu'il disait, certes, ma récompense et mon salaire, dans le sens, n'est comme qu'au Seigneur des mondes. Et ça, ce fut la parole, comme Allah le cita, de Nuh, de Hud, de Salih, de Lot, Ali bin Salam. فأهل السنة لا يسألون الناس أموالهم ولا يقومون بالمحاضرات ثم يسألون الناس تبرعات ويفرشون على الأبواب الأردية والعمائم لجمع أموال الناس. Donc les gens de la sunna ne demandent pas aux gens leurs biens. Ils ne se mettent pas à faire des conférences, puis après ces conférences se mettent à faire des demandes de dons. Ou alors qu'ils étendent leurs vêtements pour pouvoir mendier et que les gens leur donnent de l'argent afin qu'ils rassemblent des grosses sommes. Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est très fréquente en cette époque et que beaucoup de gens ignorent, que cela ne fait pas partie de notre da'wa. Que les gens fassent des muhadara, par exemple, des conférences, et tu payes l'entrée. Ben, par exemple, des dîners caritatifs, et tu payes l'entrée. Tu prends des cours de religion par des gens qui sont en mesure de pouvoir prendre leur argent d'une autre façon, et tu payes pour ces cours-là, par exemple. Ce n'était pas la voie des NBA, sûrement pas. Maintenant, il y a un khilaf par rapport au fait de prendre un salaire dans le fait d'enseigner la religion. Et cela a été autorisé par certains salafs pour certains cas. Certains, parmi les salafs, qui étaient des gens très pauvres, qui avaient de grandes familles, qui étaient des grands savants dont la science était primordiale à connaître pour les gens, Cela leur fut autorisé. Sans quoi, les ulama comme Imam Ahmed et autres disaient qu'on ne prend pas le hadith de celui qui le demande un salaire en échange. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de ce genre de khilaf pour venir et donner des cours à des gens, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des gens qui maîtrisent forcément ce qu'ils font, et vivent de cela. Et cela n'est pas la voie des anbiya, et cela n'est pas la voie des salafs, sûrement pas. Et on voit pareillement des gens qui veulent faire monter des marakis, des merkez, qui demandent des grosses sommes d'argent données pour la da'wah, on a besoin de tant de milliers d'euros, tant de millions d'euros, ainsi de suite. Ces gens-là veulent faire des merkez, eux-mêmes n'ont pas de science, ils n'ont pas de savoir avec eux, ils n'ont pas d'étudiants avec eux, ils n'ont personne avec eux. Un merkez basé sur l'ignorance servira à quoi? Tu auras un bel immeuble, tu auras des beaux tableaux, tu auras une belle bâtisse, tu auras du beau matériel, mais tu n'auras rien comme résultat concret au final. Car ce merkez aura été bâti sur quoi? Sur le bien matériel demandé aux gens, chose qui n'est pas fait partie de la darwa. Et de plus, tu n'auras aucune personne de science qui sera là pour pouvoir t'enseigner. Tout cela n'est que du superficiel. Cheikh Mokbil, qui a tenu le plus grand merkez en cette époque de la darwa salafia, et dont la darwa fut la plus grande, comme cela fut témoigné par beaucoup de ulama, il a commencé, il n'a rien demandé. Il était en Saoudi. Après, il est rentré dans son pays malgré lui. En Saoudi, il a connu la vraie darwa salafia. Il a pris beaucoup de science, il est rentré dans son pays. Une fois qu'il est dans son pays, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et tout le monde était contre lui à la base. Des gens qui n'étaient pas sur la sunna. Et il a pris un petit masjid dans sa contrée. Il est venu, il a commencé à enseigner le Coran aux enfants. Dans un tout petit masjid, il ne demande rien à personne. Après de là, des gens ont entendu parler de lui. En Égypte ou dans d'autres pays. Ils ont commencé à se rassembler auprès de lui et à venir. Lui n'a fait aucune annonce. Il n'a pas dit, je suis là, il y a un nouveau merkez, il y a Kazaï. Non, il s'est posé là. Et Allah a fait que les gens ont entendu parler de lui. Parce que c'était un homme qui était connu pour sa sincérité et la science qu'il a acquise. Et de là, de fil en aiguille, cela est arrivé à ce que vous connaissez comme étant Demmaj, le plus grand des merkez salafi au monde en cette époque. Et savoir que Cheikh Mokbil, rahmallahu ta'ala, n'a rien demandé à personne. Les gens lui donnaient d'eux-mêmes. Ils ne demandaient pas à personne, ils ne faisaient pas des grandes annonces. Et regardez le résultat, il y a une baraka. Et d'autres qui font des marakiz, qui rassemblent des grandes sommes, au final, finissent par disparaître ou finissent par dévier au réel des alikas. Nous n'avons pas connaissance d'un marquez basé sur ce genre de pratique qui aujourd'hui est porté ses fruits et qui soit une référence pour la Ummah. Wallahu musta'an. Qala wa innahu la min al-masa'ib 'ala al-mar'i an yaj'ala ad-din wasilatan lid-dunya wa yatanazal 'an dinihi min ajli matami' dunyawiyya. Nas'al Allah al-'afiya. Donc il a dit que c'est parmi les grands fléaux qui peuvent atteindre la personne qu'il mette sa religion comme un moyen pour obtenir sa dunya, les biens mondains. Qu'il fasse des concessions en religion pour qu'il ait ses convoitises mondaines. Nous demandons à Allah la préservation. Donc beaucoup le font ça. Ils font des demandes de dons au nom de la religion pour aider les veuves, aider les orphelins, aider un tel. Et en réalité, leur but en cela est de ramasser de l'argent, et une bonne partie de l'argent leur revient à eux-mêmes, à leur propre personne. Et cela, ils donnent des ahadiths sur le fait de faire le fadl de sadaqa. Et c'est une bonne chose de faire des sadaqa. Sur le fadl d'aider à construire un masjid, sur le fadl de faire ceci, de faire cela. Et en réalité, leur but n'est que de rassembler de l'argent, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Sa darwa n'a pas été bâtie sur un rassemblement d'argent. Donc cette voie-là n'est pas une voie salafia. Quoi que disent les prédicateurs ou quoi. Et d'ailleurs, regardez bien nos savants de la sunna contemporaine, il n'y en a aucun qui achemine sur cette voie-là. On trouve cela que chez les ignorants, souvent en pays de mécréants, en France, en Angleterre, en Belgique, au Canada, ce genre de pays. On ne voit pas cela chez les savants. Ils te disent, nous, on sommes avec les savants de la sunna. On ne voit pas les savants faire cela, agir de la sorte. Avoir une demande de dons, une case de dons PayPal sur leur site pour qu'on leur donne pour leur da'wah. Regarde dans les sites des ulama aujourd'hui, toujours vivants, vous ne trouverez pas cela. Donc cela est une chose qui ne fait pas partie de cette da'wah. Contrairement à ce que beaucoup pensent et que ce que beaucoup voient, et ce n'est pas forcément tout ce que l'on voit tout le temps qui est forcément une chose qui est vraie. Puis c'était une parole de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala. Dans le Khurasa est que le fasad en religion n'a lieu que par deux choses. Soit pour une croyance qui soit fausse, l'article del batil, ou le takallamu bih, ou yakor fil amel, ou l'estimtar bil khalaq. C'est-à-dire, soit cela a lieu par les convoitises mondaines, ce qui revient au shahawat, au plaisir, ou soit alors au shubuhat, ce qui revient à une fausse croyance, qui amènerait à y appeler et à la pratiquer, ce qui serait tombé dans les innovations, et voire même dans la mécréance. Et donc là, le shahid de ce bab, il revient en fait des convoitises dans les biens mondains. Les convoitises dans les biens mondains et dans ce qui est dans la main des gens. dans ce qui est dans la main des gens. قال ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى فقد فتنه هواه وصاحب دنيا اعمته دنياه. Donc les salafs disaient prenez garde de deux formes de personnes. Celui qui suit ses passions, car ses passions l'ont déjà amené à la tentation, ils l'ont déjà éprouvé, et l'homme qui est accroché à cette dunya, car son amour pour la dunya l'aura rendu aveugle dans sa religion. وَكَانُوا يَقُولُونَ اِحْذَلُوا فِتْنَةَ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ وَالْعَبِدِ الْجَاهِلِ فَإِنَ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ كُلُّ أَوْ فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونَ فَبِهَذَا يَشْبِهُ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْحَقِّ وَلَا تَبِعُونَهُ وَهَذَا يَشْبِهُونَ الظَّالِّينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِغَيْلِ عِلْمِ. Et ils disent également, prenez garde à la fitna, à la tentation du savant immoral et du dévot ignorant, car leur fitna est une fitna pour toute personne qui sera amenée à être tentée. C'est pour cela qu'ils ont été ressemblés à ceux qui ont couru la couleur d'Allah Azzawajal, comme les juifs, du fait qu'ils ont su, mais qui n'ont pas appliqué ce qu'ils ont su. Et les autres, c'est-à-dire le dévot jahil, ressemblent aux égarés qui sont les chrétiens, car ils ont agi sans savoir. Ils ont agi sans savoir. Et ces gens-là qui appellent la dunya, vous remarquerez, souvent ils rejoignent les deux choses. Tu leur donnes les preuves que ce qu'ils font ce n'est pas bon, ils en prennent conscience et n'appliquent pas. Et de l'autre côté, ils essaient de s'engager dans les choses pour la darwa, d'accord ? Ils agissent sans science. Toujours dans ce que certains salafs disaient, كانوا يتخذون يستدلون بكل الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Que nous avons fait d'eux des imams, des guides, qui guidaient par notre ordre après qu'ils aient patienté et qu'ils ont la conviction envers nos versets. Et sajda, la prosternation, verset 24. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. Donc avec la patience, le fait d'endurer, de patienter, cela fait amène à repousser les shahawats, c'est-à-dire les plaisirs, qui amèneraient aux convoitises mondaines. Et la yaqin, la certitude, par celle-ci qui amène à la science, amène à repousser les shubuhat, qui sont les ambiguïtés en religion. وقال سفيان الثوري المال داء هذه الأمة والعالم طبيب هذه الأمة فإذا جر العالم والداء لنفسه فمن يبرئ الناس. Et Sufyan al-Thawri, il disait que l'argent, c'est la maladie, le mal de cette communauté, et que le savant, lui, est le médecin de cette communauté. Donc comment pourrait-on guérir les gens si ce savant lui-même serait amené à être atteint de cette maladie ? Naam, wa hadha shahid ala hadha al-qawl, qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, li kulli ummatin fitna wa fitnat ummati al-mal. Que chaque communauté a une tentation, et celle de ma communauté, c'est l'argent. Donc le khulasa pour dire que cette da'wa n'est pas basée sur le fait de demander les biens des gens, ni de convoiter ce qu'il y a dans les mains des gens, mais elle est basée sur ce qu'on a cité précédemment, s'il y en a par la suite. Allah al-musta'an, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.